Sortir enfin un jour de Cadillac. Les deux pieds devant, même dans un sac. Sortir enfin un jour de Cadillac.